ses pères. Jones. Quelqu'un qui s'en va pour ne pas s'élever. quelqu'un qui s'en va. On passe ses nuits. Oublier ses peines, mon père c'est un enfant chanté, de pouvoir dire je t'aime.